à faire part des primes ou tracas. Déceptions et malaises, je fais des sessions et malaises. Je sais que le mépris me loupera pas, même ses vices le démontrent. Ils arrivent tous à ce qu'ils veulent, bizarre et sous actifs même. Leur plus vicieux démon, je sais que ce rap est scandaleux. Vos apes ce côté dégueu, yes, assez tôt c'est dégueu. Je sais ce que l'esprit aura lieu, je fais de la rime à l'occasion. Mon coup n'en rattrape pas une, beaucoup dans le rap crapa une. Fais plage, rime à l'ocrane, c'est bien trop fait des sanchez. C'est pas conceptuel, c'est parce qu'on sait que tu l'aimes. Qu'ils viendront à le descendre, j'attends pas qu'ils perdent le sort. Donc traîne pour ématène, déjà craint tous les matins. Ça t'en m'attire vers le sol, mais j'attendrai que ça se termine. Mais pas trip j'anticipe, j'étais ce gars brillantissime. Une vie que ma tendresse a terni, tout un tas de galères. Reste des nuits sans pioncer, tente de rester nuit sans penser. Lorsque le côté intact a l'air, faites pas la forme, mais la foutaise. Lis sur ma gueule, comme stade laissant cramé. J'attelle stade où la laissant canner. C'est un cadeau naissant, nos vies sont pleines d'uris. Peinturis, tandis que mon art se meurt, meurt, je te fais des belles tueries. Faites pas la forme, mais la foutaise. Lis sur ma gueule, comme stade laissant cramé. J'attelle stade où la laissant canner. C'est un cadeau naissant, je me tords sur la tête. Bouge qu'en perche toute la vie. Je ne dors plus, je m'inquiète. J'en perds le coup de la vie, c'est flou. Gratte mes nerfs, ces peines addictives. Quand le cœur est rempli de tristesse, mes pleurs errantes qui cristesse. Lorsque les luminaires s'éteignent, sadique, je kiffe. Des primes stress, font le taf d'écriture. En vrai, qu'est-ce qu'il enseigne? Pestilentiel, comme nos putains de souvenirs. Formes ta détritus, je fais ce qu'il enchaîne. Trop de mal en tête, pour un éclair, je l'ai mis. Par extra mamantère, je trotte mal en terre. Pour un éclair, génie. Quand perds, je doute la vie. Et y'a peu de gens qui m'en dissuadent. Je suis comme les gars tigeants qui mentent, ils soient. J'en perds le goût de la vie. Rien n'est certain que tu crois mort. S'échappe comme le soleil l'hiver. Ça laisse de trois symptômes. Et je peine à croire que le sommeil libère. Certains le veulent pour l'infini, pouvoir en finir. Quand le doute est fleur, ton dernier jour sur terre, ton premier bouquet de fleurs. On te lâche pas de bouquet de roses. Les chrysanthèmes sur la carcasse, à bout t'explose. Quand les liens se meurent, y'a que de la peine sur la paperasse. Un milieu plein de requins, je prie pour toi si t'es ménagé. Je pense à mes potes partis, ouais, y'a pas que ceux qui ont déménagé. Je pas la forme, mais la foutaise. Lis sur ma gueule, comme stade laissant cramé. J'attelle stade où la laissant canner. C'est un cadeau naissant, nos vies sont pleines d'uris. Peinturis, tandis que mon art se meurt, meurt. Je fais des belles tueries. Je pète pas la forme, mais la foutaise. Lis sur ma gueule, comme stade laissant cramé. J'attelle stade où la laissant canner. C'est un cadeau naissant, je me tords sur la tête. Bouge qu'en perche toute la vie. Je ne dors plus, je m'inquiète. J'en perds le coup de la vie, c'est flou.